Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 107 FM, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Et coucou à tous ceux qui nous écoutent comme tous les jours sur internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Il est midi tout pile, hein. Nous sommes ensemble et bien comme tous les jours pour un moment de douceur, un moment de bien-être, un moment de tranquillité, mais aussi un moment et bien dynamique avec voilà, du son pour bouger, se faire plaisir. Et aujourd'hui, et bien avec nous, on a Mixer Bink. Mixer Bink, bonjour. Bonjour. Et merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va, impeccable. Alors, content d'être ici. Eh ben, on est ravis de te recevoir. Alors toi, tu viens un petit peu nous parler et bien de ta musique, car tu es musicien. Qu'est-ce que tu fais comme style de musique? Alors, je fais une sorte d'électro rock un petit peu original avec une dynamique un peu spéciale. Oui. C'est pas facile à décrire comme musique, il vaut mieux écouter. C'est vrai, on aura l'occasion tout au long de cette émission et bien d'écouter divers titres de ton album Do It Yourself. Quand est-ce qu'il est sorti cet album? Alors, il est sorti à la fin de l'année 2017. Oui. Voilà, le dernier titre que j'ai composé, il a été composé, c'est Snort It. Il a été composé à la fin de l'année 2017 et je l'ai sorti dans la foulée. D'accord. Voilà. Alors, tu nous viens de Luxeuil-les-Bains, c'est bien ça? Oui. Tu as toujours habité là-bas, tu fais de la musique là-bas, ça s'est passé un peu comment ton parcours? Alors en fait, j'ai commencé la musique un petit peu, je me suis acheté une guitare déjà, mais ouais, plutôt par curiosité que par vraiment un désir de devenir un vrai technicien. Et en fait, j'ai trouvé un groupe de musique. D'accord. Avec qui je tourne depuis environ 10 ans, qui s'appelle Manzana. Ah oui. Donc c'est un groupe un petit peu festif, de rock festif. Mmh. On tourne un petit peu dans le coin, on a joué à Mirecourt. D'accord. Et à côté de ça, à Strasbourg, j'ai fait des rencontres et j'ai rencontré pas mal de personnes qui jouaient de la musique quand j'ai fait mes études à Strasbourg. Ouais. Et avec qui on a jamais pas mal, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait d'improvisation pendant toutes les années où je suis resté à Strasbourg. Et donc, du coup, est venu un désir de vraiment faire de la musique, voilà, quelque chose, d'écrire quelque chose. Comme l'album Do It Yourself ou alors mon premier album que j'ai sorti en 2014. Ah, c'est super. Donc du coup, tu étais passionné de musique depuis tout petit ou alors ça t'est venu vraiment un petit peu plus tard, un peu plus grand étudiant? Non, je suis vraiment passionné par la musique depuis petit. Après, quand on est petit, on n'a pas forcément des goûts qu'on accepte maintenant quand, avec ses yeux d'adulte. Faut assumer, c'est pas grave, ouais, on fait tous assumer. Des erreurs. Oui, voilà, c'est ça. Mais en passant par Britney Spears et par ce genre de délire un petit peu, non, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui aiment Britney Spears. Oui, c'est vrai. Et puis c'est de la musique comme d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Nous, on aime bien les éclectiques ici, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et voilà, on aime plein de choses différentes. Tu as suivi un petit peu un parcours musical de formation ou alors tu... Ah non, lancé... je suis complètement autodidacte à la guitare, à la basse, à la batterie, tous les instruments sur lesquels je joue pour cet album. Je ouais. suis complètement autodidacte. Tu as tout appris tout seul? Oui, je suis très curieux. Tu fais quoi comme instrument alors, en plus de la guitare, de la... Donc plus de la guitare depuis plus longtemps de la guitare. Après, j'ai acheté une basse. La guitare, la basse, c'est assez similaire. Et la batterie par la suite. Voilà. D'accord. Eh bien, dis donc, bravo. J'ai récupéré une vieille batterie qui tape, qui sonne un peu grunge. La batterie, c'est pas facile à apprendre tout seul en plus, parce qu'il faut vraiment savoir se servir de ses deux mains de façon autonome. Voilà. Oui. Et du coup, c'est pas simple. Alors, pour l'instant, est-ce que tu vis de ta musique ou est-ce que tu es encore un passionné Ah, je suis encore un passionné. J'ai un métier à côté. Je suis graphiste, donc oui. Voilà. Je vis pas de ma musique encore et j'ai pas non plus pensé de live pour l'instant. D'accord. Donc, du coup, le live, je pense que c'est ça qui apporterait le plus. Ouais, ouais. Enfin, le plus de possibilités de vivre de ma musique. Après. C'est vraiment une envie quand même qui existe chez toi de pouvoir oui. un jour en vivre. Bien sûr. Faut envisager oui ce genre de choses. Après, c'est pas facile la musique. Ah bah non, c'est un monde assez particulier, ça c'est sûr. Il faut faire sa place. C'est pas toujours très simple. Alors donc tu as suivi des études pour devenir graphiste, le métier que tu exerces aujourd'hui. Oui. Ok. Ça s'est passé comment pour toi? Alors, du coup, j'y suis allé un petit peu au pifomètre. J'ai suivi une formation à Strasbourg. J'ai vu un nom de BTS qui me plaisait bien. C'était réalisation de produits graphiques. Et donc, d'accord. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Et voilà. Après, et ça t'a plu? Après, c'est vraiment, j'ai eu de la chance. Voilà, je suis parti là-dedans. J'ai fait des rencontres avec tous les copains avec qui j'ai joué de la musique. C'était vraiment un coup de bol. Pour moi, cette formation de graphiste. Et ensuite, je suis allé faire à Saint-Dié-les-Vosges une licence pro. D'accord. Après mon BTS. Et maintenant, je travaille à l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains. D'accord. Voilà. Ah bah, dis donc, quel parcours. Ouais. C'est sympa quand même. C'est sympa. Il y a un lien entre le graphisme et la musique pour toi? Oui, bien sûr. Bah, je pense que je fais un petit peu de synesthésie quand je crée des choses, parce que j'ai aussi, en plus du fait de travailler pour l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, j'ai toute une partie de réalisations qui sont complètement personnelles. Et quand je joue de la musique, je vois des images. Et quand je vois des images que je crée virtuellement par ordinateur, j'entends de la musique. C'est assez, d'accord. C'est assez résonnant comme sensation. Tu t'aides de la musique pour créer des images, oui, par exemple ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est super sympa ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer ? Ce qui m'inspire, c'est la vie, c'est un peu tout. En fait, du moment où je me lance sur une création, j'ai envie de la faire vivre. Et en fait, c'est comme une sorte de transe, en fait, quand je compose. Je me transforme en quelqu'un d'autre. Ouais. Et des fois, je danse, je bouge. Enfin, voilà. Bah, tout à fait. Sur ma musique, voilà. Et une fois que c'est lancé, en fait, cette espèce de processus qui se passe dans mon cerveau, en général, le morceau avance bien et il se termine, et puis voilà. Alors là, c'est ton deuxième album, on va pas aller trop vite, on va déjà parler du premier. Tu l'as composé et sorti quand, ce premier album ? Donc le premier album, je l'ai sorti en 2014, il s'appelait Home Studio. C'était un petit peu... C'était une sorte d'expérience home studio, parce que j'avais pas vraiment de connaissance des logiciels d'enregistrement. Déjà, j'ai un matériel qui est très rudimentaire, très bas de gamme. Oui, c'est assez rudimentaire, à part ma guitare qui est géniale, quoi. Mais sinon, j'ai un matériel qui est assez léger, et j'ai un logiciel que je connaissais assez bien, mais qui demande quand même pas mal de pratique pour sortir des vraiment bons morceaux. Mais j'ai quand même réussi, dans ma recherche de son, à sortir des choses, une quinzaine de titres qui étaient cohérents pour sortir un album. Donc, d'accord. Du coup, c'est ça, c'est Home Studio. Il est disponible sur YouTube, on peut l'écouter. Okay. Il est complètement libre, on peut aussi l'acheter sur iTunes, mais sinon on peut l'écouter en entier sur YouTube. Comment ça t'a pris de vouloir sortir ton premier album ? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce moment précis où tu t'es dit « Allez, je vais faire un premier album » ? Bah, c'est une cohérence de plusieurs morceaux. Ouais. C'est comme je dis, c'est une quinzaine de morceaux, okay, qui résonnaient les uns avec les autres. Un peu comme quand on écoute le Led Zeppelin 2. Des morceaux qui vont parfaitement... à leur place quand, oui, on les met bout à bout. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec cet album. D'accord. Et donc du coup, tu t'es dit allez, je me lance. Je me suis dit il y a quelque chose. Donc j'ai sorti cet album. Tu l'as sorti comment ? Donc j'imagine donc par tes propres moyens. Oui. Comment ça se passe quand on réalise un album seul ? C'est un peu compliqué, mais maintenant il y a Conflicart, il y a moyen de trouver des petites combines pour réussir à sortir son album. Avec Conflicart, oui, c'est pas mal. Il suffit de créer. Moi, je suis graphiste, donc ça va. Oui. Je peux créer ma pochette d'album, la balancer, balancer les sons, et puis voilà, il suffit de faire ça. Et sur Conflicart, ça va, c'est pas trop cher. Okay. Je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Ah bon, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Mais du coup, voilà quoi. Ça a pas été. Du coup, ça t'aide d'être graphiste dans la vie et puis musicien dans une autre. J'imagine que tu utilises beaucoup de logiciels, du coup, est-ce que ça t'amène une facilité? Bien sûr, oui, il y a une facilité, il y a une espèce de logique qui se crée, ouais, une logique logicielle. Comme par exemple, je ne sais pas si tu connais Photoshop, mais oui. Photoshop, c'est des couches les unes sur les autres. Ouais. Ben, la musique, c'est exactement ça, c'est des couches les unes sur les autres, et en fait, qui en s'additionnant, crée un équilibre et crée un morceau de musique, crée une création graphique. Ça... C'est, pour moi, c'est, c'est ça la logique, quoi. Ça t'a pris combien de temps pour apprendre à faire ça de chez toi, tout seul ? Tu t'es lancé tout de suite, ça a pris, tu t'es vite débrouillé, ou alors il y a quand même un moment, un temps d'adaptation ? Ah, il y a un temps d'adaptation, en fait. À chaque fois que j'entreprends un projet comme sortir un album, ou enfin comme l'utilisation d'un logiciel, en fait, à chaque fois que je commence, il y a toute une phase d'expérience. D'accord. Qui se crée. Et au moment où cette phase d'expérience est terminée, en fait, je le sens. C'est fini, c'est plus de l'expérience, là c'est des morceaux que je suis en train de créer. C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai mis aussi sur YouTube toute une partie d'expérience que j'ai fait avant Home Studio. D'accord. Qui est intéressant à entendre. Après, il y a des choses à garder, il y a des choses à acheter, hein, bien sûr, parce que c'est la première fois. Mais voilà, il y a des choses à garder. En interlude, quoi. Et en graphisme, j'ai fait exactement la même chose quand j'apprenais à me servir de Photoshop. J'ai fait tout un panel d'expériences, et puis... Eh ben, t'as bien raison, parce que c'est les expériences qui font ce que l'on réussit à faire ou non, hein, c'est les expériences qui font la vie. Quand on commence à créer comme ça, est-ce qu'il y a un ordre à respecter, un ordre que tu te donnes dans la création ? Parce que tu utilises des instruments en plus d'autres choses, alors tu commences par quoi quand tu crées un morceau ? Ah, je suis complètement libre, hein. ça peut démarrer avec la guitare, avec une batterie, avec ma voix, avec un son, avec, je sais pas, j'ai enregistré des sons de verre, j'en ai cassé plusieurs. Ah oui, j'enregistre tout, en fait, j'enregistre tous les sons que je veux, donc je peux commencer par n'importe quoi, quoi. D'accord. Et tu casses les verres toi-même, tu prends pas de petits... Ah non, c'était pas fait exprès. Bah c'est bien, ça fait une petite touche d'improvisation. Ah oui, il y a de l'improvisation. Ouais. Ça t'a mis combien de temps pour le réaliser, ton premier album ? Le premier album, il m'a fallu approximativement un an. Sans compter toute la phase d'expérimentation qu'il y a eu avant. Mais le premier album, un an, et le deuxième, trois ans. Ah ouais, trois d'accord. Trois ans complètement. Ouais, ouais, j'ai voulu vraiment m'appliquer au niveau des volumes sonores et tout ça. Tu voulais faire quelque chose de propre ? De très propre. Vu que je suis tout seul, en plus, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour réussir à sortir quelque chose de... Sur un morceau, tu dirais que tu mets combien d'investissement, combien d'heures de travail pour... après, j'imagine que ça doit être aléatoire au point de vue des morceaux, mais en général, ça te prend... Ça dépend des morceaux. Des fois, ça vient tout de suite. Des fois, je vais mettre, je sais pas, une semaine en travaillant, je sais pas, 3 heures par soir. Ouais, ça revient à quoi ? Ça fait un petit moment. Après, des fois, je mets plus de 150 heures par morceau. Waouh ouais. Wow. Ah oui, ça d'accord. Peut aller très loin, ouais. Ok. Alors, on parle beaucoup de ta musique, mais ce que je te propose, c'est qu'on en écoute quand même un morceau sorti de cet album, donc que tu as sorti, Do It Yourself. Alors, le premier morceau que tu as choisi, c'est le premier morceau de ton album, Bird in Belly. Il parle de quoi, ce morceau ? Alors, quoi comme message à travers ce morceau-là ? En fait, c'est la naissance de cet album. En fait, cet album, il est venu en même temps que j'ai appris la future naissance de mon fils. D'accord. Donc du coup, ça commence par les premiers battements de son cœur. Et voilà, ensuite, je me suis laissé partir dans cette vague. C'est et, chouette. Voilà. Un morceau dédié à ton fils. Dédié à mon fils. Mais l'album est dédié à mon fils. Ah ben ça, voilà. C'est beau. Eh ben, dis donc, quand il sera grand, il sera très fier. Oui. Et ça, c'est cool. Alors, on écoute ce premier son et on se retrouve juste après. Thank you. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle. Vous êtes bien sur Radio Guémozo et nous sommes avec aujourd'hui notre artiste, Mixeur Bink. Merci encore à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, très sympa ce premier son et tu nous parlais un petit peu du cœur de ton petit garçon qui commence ce morceau et qui le termine. On l'a bien entendu. Est-ce qu'il sait que papa fait de la musique? Ah oui, il reconnaît même la musique de son papa. C'est vrai? Quand je le passe dans la voiture, ouais, il dit c'est papa. Et alors, il en pense quoi? Ah bah il aime bien, hein, il danse dessus, ouais, c'est après il est petit mais... Ouais. Ouais. Il assiste un peu des fois à ce que tu fais? Ou tu t'isoles complètement quand tu crées? En général je m'isole complètement quand je crée, voilà, il peut pas, non, il va pas voir. Non. En général je mets le volume à fond et puis je me mets dans un petit coin... Hop. T'as un endroit, alors on rappelle quand même pour nos auditeurs que donc, tu travailles de chez toi, hein, tu auto-construis le tout de A à Z. Du coup, tu t'es aménagé un petit endroit chez toi pour pouvoir créer. En fait, je peux créer n'importe où, j'ai juste besoin d'un petit ordinateur, d'une guitare et d'une carte son. Quoi. D'accord, c'est très simple. Oui, c'est très très simple. Donc... Et j'ai un zoom pour enregistrer tous les sons qui viennent d'ailleurs. D'accord. Alors comment ça se passe quand tu fais un morceau? T'arrives à, par exemple, en faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là et à rassembler le tout? Ou alors tu crées le tout d'un coup? En général, je crée tout d'un coup. Je c'est sors mieux. Plus. Je fais mon ermite. Je sors plus pendant 15 jours. Je ressors, je suis tout maigre et tout blanc. Voilà. Non mais c'est ça, en général, je m'isole complètement pour créer et je sors pas jusqu'à ce que le morceau soit créé. Quoi. Ah oui. Je pense à ça tout le temps, en permanence. Ah oui, jusqu'à ce que le morceau... Oui, c'est ça. C'est assez obsédant. C'est la même chose quand je fais du graphisme. Ça, d'accord. Ça m'obsède jusqu'à ce que ce soit terminé. Oh bah dis donc. C'est pas trop compliqué pour avoir une vie à côté quand on s'isole comme ça pendant des jours, des heures et des heures. Ah non, mais ça va. Enfin, c'est... Oui, c'est... Ça se concilie bien. Oui, ça va. Ça se concilie bien. Alors, tu peux créer n'importe où, tu nous disais. C'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel tu as créé? Eh ben, j'avais une espèce de mezzanine, mais d'une surface vraiment... je pouvais pas rester debout dedans, en fait. C'était une espèce de grenier, ouais, où je pouvais pas rester debout. D'accord. C'était vraiment... J'étais coincé avec ma guitare, avec ma basse et tout ça. Et dès que je bougeais, ça cognait la guitare. C'était assez... Un petit peu exigu. Oui, complètement exigu. D'accord. Voilà. Alors, ton deuxième album, dont on vient d'entendre un titre juste avant, tu as mis donc quelques temps à le créer. Alors, c'était quoi le grand but pour toi de sortir ce deuxième album? Tu nous parlais de quelque chose de vraiment très cohérent, très propre par rapport à ce que tu avais déjà voulu faire. En quelque sorte, c'est la même chose que j'ai voulu faire pour Home Studio. C'est un peu montrer qu'on peut créer des choses qui sont... Enfin, montrer, pas vraiment montrer, mais réaliser des choses... avec très peu de moyens, mais qui soit d'un niveau d'un niveau assez élevé, quoi. D'accord. C'est ça l'idée. Home Studio, j'avais déjà ce concept-là en tête, mais c'était pas aussi bien travaillé que sur Do It Yourself. D'accord. Qui m'a vraiment pris. Donc toi, t'as vraiment envie de montrer que peu importe un petit peu le matériel que l'on a, on peut faire des choses bien. Oui, voilà, c'est ça l'idée en fait. Hein. Do It Yourself, c'est prends ta guitare et puis mets-toi dans un petit coin, t'enregistres quelques bouts à droite à gauche et puis t'enregistres jusqu'à ce que ça fasse un morceau, quoi. D'accord. C'est du coup, tu l'as proposé... Message. Ouais, c'est sympa. Du coup, ça montre bien à un petit peu tous ceux qui ont envie de faire des choses mais qui n'ont pas forcément les moyens, qu'on peut quand même, si on en a vraiment envie, réussir à faire quelque chose. Voilà. Et ça, c'est sympa. Voilà. C'est sympa. Alors, il y a une super belle pochette... Merci. Qui a pris cette photo? Ah, c'est une collègue à moi qui s'appelle Stéphanie. D'accord. Qui est aussi ma copine. D'accord, que l'on salue, Stéphanie. Voilà. On te salue. Très belle photo avec Monsieur Mixeur Bink avec des fleurs dans la barbe. Voilà, c'est ça. À l'époque où j'avais une barbe. D'accord. C'était quoi le message pour cette pochette? C'était cool? Voilà, cool, on se sent bien. C'est ça. C'est un petit peu le grand message que tu veux faire passer à travers cet album. C'est entraînant, c'est de la positive attitude, ça fait du bien. C'est ça, plein de vie, plein d'énergie, c'est ça l'idée. Alors, de y créer a... de l'énergie. 14 titres sur ce morceau, sur cet album, je vais y arriver, 14 morceaux sur cet album. C'est lequel qui t'a pris le plus de temps à construire? Il y en a un particulièrement, la 13e, qui s'appelle Big Journey. Oui. Ah bah oui, elle porte bien son nom, du coup. Qui m'a pris un temps pas possible à créer. Ouais. Elle est très longue. C'est un morceau qui est très long et qui se développe vraiment dans la longueur et qui, à la fin, enfin, c'est mon titre préféré du morceau. D'accord. D'ailleurs, c'est un développement qui est très long. Elle prend beaucoup de temps à se mettre en place, mais une fois qu'elle se met en place, pour moi, ça me donne des frissons. Voilà. Eh ben c'est super, en tout cas voilà, on est très très heureux de pouvoir présenter cet album aujourd'hui avec toi. Comment tu choisis les noms pour tes titres? Parce que, est-ce que tu chantes parfois dessus? Il y a un titre où je chante, oui, la 6e. D'accord. Mais sinon, non, Snortit un petit peu aussi à la fin, la dernière. Ouais. Mais non, je chante pas vraiment. Les titres, je les choisis en fonction du ressenti par rapport à ce que j'ai créé, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai des images qui arrivent en tête, ouais, au moment où je compose mes morceaux. Par exemple, Rusk Revenge, c'est la revanche de la biscotte. Et en fait, c'était juste que j'avais en tête l'image d'une biscotte qui tombe exprès sur le côté plein de confiture. Mais en fait, c'est juste une vengeance parce que la personne qui est en train de manger la biscotte a fait quelque chose de mal. D'accord. Et en fait, j'ai tout cette espèce de scénario qui essaie de se développer pendant que je compose ma musique. Donc, t'as jamais pensé à faire des clips sur ta musique ? J'en ai fait deux. D'accord. Pour Atom et pour Mandarine. Ok. Qui sont un petit peu barrés, on peut les trouver sur YouTube. Et ben voilà. Oui, on pourra les trouver sur YouTube, comme tu le dis. Alors, Mixer Bing, tout simplement, M-I-X-E-R-B-I-N-K. Et puis on te trouve voilà, sur YouTube, on pourra regarder ces clips. C'est toi qui les as réalisés, je suppose. Oui. Et c'est quoi qui t'inspire pour réaliser le clip de ton son? Ah ben, c'est justement le son qui crée les images dans ma tête et ça vient tout seul. C'est comme c'est ta part de folie qui ressort à ce moment-là. Exactement. Non mais je suis complètement fou en fait. Hein. C'est un exutoire, la musique. Oui, carrément. Hein. Oui. On se fait du bien dans la musique et ça, ben, c'est important. Ça t'a mis combien de temps Ça t'a pris combien de temps de réaliser un clip? Est-ce que c'est plus long, moins long que de faire un morceau? Oui, ça met beaucoup de temps à réaliser un clip, mais après je vois pas le temps passer. Je reste derrière mon ordi et je vois pas vraiment le temps passer. Quand on fait ça ce qu'on aime, ça prend quelques journées, ouais. D'accord. D'accord. Quelques centaines d'heures. À la mairie de Luxeuil où tu travailles, ils sont courants que tu as un côté artiste fou? Oui. Alors je travaille à l'office de tourisme. À l'office de tourisme. Avant je travaillais à la mairie quand d'accord, même, hein, mais d'accord. À l'office du tourisme. Donc pas de oui, ils savaient quand même que j'avais un côté foufou dans la musique et dans le graphisme aussi, oui bien sûr. Et tu fais quoi à l'office du tourisme? C'est quoi ton rôle? Bah je suis graphiste à l'office de tourisme. Et ça représente quoi d'être graphiste pour un? Bah toutes les éditions qui sortent de l'office de tourisme, c'est d'accord, moi qui les ai créées. Donc. Et voilà. Là tu peux créer à ta guise quand tu travailles comme ça. C'est pas le même, non, c'est pas le même travail, il y a une charte graphique à respecter, c'est pas d'accord, la même chose, non, c'est plus non, c'est pas la même chose, j'ai pas autant de liberté. D'accord, il y a un je côté peux en carré, avoir, hein, mais voilà, un côté y a un carré côté à respecter, et puis un côté folie totale. Oui, ah ben, c'est bien le parfait équilibre, j'ai c'est envie ça, de te dire. Exactement. Est-ce qu'on se lance dans notre deuxième bulle de son avec le deuxième morceau que tu as choisi? Mmh. Alors tu as choisi Atome. Oui. Alors, de quoi parle-t-il ce morceau? Alors, ce morceau, c'est pas un sujet super gay, c'est la bombe atomique. D'accord. Et le fait qu'il y ait une poignée de personnes, je sais pas moi, une vingtaine de personnes sur la planète qui sont décédées. Capables d'appuyer sur un bouton ouais, pour détruire la planète. D'accord. Donc voilà, c'était juste. C'est là-dessus que je suis parti dans mon délire, et puis ensuite ça a okay, créé. C'était suite à quoi morceau. Quelque chose que tu avais vu? Oui, je sais plus exactement quoi, mais un discours d'un président. D'ailleurs, je l'ai mis en introduction du morceau. D'accord. Voilà, qui disait que maintenant, les guerres mondiales, c'était... Le futur d'une guerre mondiale, ce serait une guerre atomique, en fait. Ouais. Voilà, donc c'est là-dessus que je suis parti. D'ailleurs, j'ai créé un clip qui est en lien avec ça sur YouTube. Eh ben oui, nous mettrons le lien de ce clip en bas, justement en lien avec le podcast de cette émission qui sera présente sur notre site internet et sur notre page Facebook. Alors, à travers cet album, il n'y a pas que des sujets légers où tu t'éclates un peu, il y a aussi des sujets forts. Ouais. Voilà, ouais. C'est important pour toi d'avoir ces deux poids. Oui, après ça vient comme ça, hein. C'est pas non plus voilà, j'ai pas une vraie affirmation. voilà. C'est le seul titre qui t'est venu sur un sujet un petit peu fort d'actualité sur cet album, ou il y en a eu d'autres? Oui, il n'y a que celui-là, que celui-ci. Il y a des noms quand même. C'est vraiment plus léger. Il y a un titre qui parle d'un pigeon. Oui. C'est génial. On en parlera juste après. Pour l'instant, on va s'écouter Atome de notre artiste aujourd'hui, Mixer Bink. Et on se retrouve juste après. That new language is the language of atomic warfare. Waouh, moi j'adore le son électro, t'es tombé juste dans la bonne bulle pour présenter ton album. J'adore ce titre Atome, il est comme on les aime. Est-ce qu'il y a des événements qui se créent autour de la sortie de cet album? Est-ce que tu partages, tu communiques sur cet album-là? Oh oui, pas mal sur les réseaux sociaux. Après, ouais. J'ai organisé une soirée dans un bar à Luxeuil, mais voilà. Après, sinon, j'ai pas d'autres événements prévus prochainement pour la sortie de cet album. D'accord. Il y a l'album qui est sorti en version matière, ouais, que je vends. Après, voilà. Et j'imagine que c'est toi qui l'as conçu aussi, cet album physique. Oui, oui, bien sûr. C'est de l'investissement financier quand on produit un petit Un petit peu, oui, à une certaine échelle, oui, ouais. C'est quand même un petit investissement. Comment tu fais pour investir dedans? Est-ce que tu te sers par exemple de campagne de fonds? Est-ce que tu te sers de l'outil internet pour te faire connaître et puis que les gens un petit peu t'aident ou partagent avec toi? Ou alors est-ce que vraiment tu te débrouilles? Non, je me débrouille, je fais quelques économies. l'autonomie, et puis voilà. C'est pour ça aussi que peut-être ça prend autant de temps pour le sortir, ou c'est qu'une histoire de création, le temps que tu mets pour sortir cet album ? Ben, il faut un temps pour trouver les bons titres, parce qu'en fait, là, c'est cet album, il y a 14 titres dessus, mais en soi, j'en ai 25, quelque chose comme ça, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri. En 3 ans, j'ai composé beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Voilà, c'est un tri. D'accord. C'est un tri qui est fait. C'est ça qui est le plus long, en fait. Hein. C'est de trouver les morceaux qui vont composer un c'est bel décider. Album. Ouais. C'est décidé. Oui, oui. On... Il faut s'arrêter, quoi, à un moment. C'est ça, le... C'est dur ? Ah oui, c'est difficile. Faire une sélection de 14 titres quand on en a 25 qui sont tous... Ouais. Du coup, tous les titres que j'ai pas mis dans l'album, je les ai tous mis sur SoundCloud en écoute gratuite. Ah bah ça c'est bien. Donc, voilà, et en téléchargement gratuit. C'est bien, du coup on te retrouve où sur SoundCloud? Bah pareil, Mixerbink partout où, d'accord. Où on peut me trouver. Et pourquoi tu as choisi ce nom d'artiste? Ah, c'est un petit peu compliqué, à la base c'est un nom de gamer, j'étais gamer sur World of Warcraft, alors du coup voilà, je suis parti. T'as un côté geek? Oui, j'ai un gros côté geek, toujours devant un ordi. Mais en fait, mixeur, comme un petit peu le musicien, et ink pour l'encre, d'accord. En fait, pour le côté graphisme. Okay. Voilà, c'est ça, c'est la liaison des deux. Ouais, tu fais un beau parallèle entre tes deux activités. Exactement. C'est plutôt sympa. Alors, comment ça se passe quand tu arrives à 25 titres créés et que tu dois t'arrêter pour choisir ces 14? Il n'y a pas un gros manque là, de création à ce moment-là, quand tu dois te dire stop, arrête, là tu en as déjà assez? Ah non, c'est encore de la création pour rendre, ouais, pour autre chose, pour créer un album qui soit cohérent du début à la fin, qui n'est pas un titre en surplus. D'accord. Parce que voilà, c'est ce genre de... Même si c'est bien d'être généreux au niveau de la musique, hein, les titres en surplus peuvent rendre l'album un peu trop lourd. Un peu trop lourd, ouais. Mmh. Du coup, voilà, tu choisis 14 titres, tu les mets sur un album, mais ça continue à créer dans un autre dans un autre domaine, quoi. Tu lances dans autre chose. C'est quoi qui est le plus long? C'est de créer un morceau ou c'est vraiment les étapes que tu mets en place après? Le plus long, c'est de créer tous les morceaux, oui bien sûr. Mais voilà, la combinaison des morceaux. Après, c'est d'avoir ouais, d'avoir la cohérence, ça prend du temps parce qu'il faut écouter énormément l'album, et en fait au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas les unes avec les autres. Voilà, si on met un morceau qui voilà qui est pas cohérent après un autre, ça dénature vachement le travail qui a été fourni pour le titre, en fait. Donc voilà, c'est quoi les ah pardon, je t'ai coupé la parole. Mais j'allais parler d'un projet là que j'avais en cours. J'ai encore travaillé sur d'autres titres, hein, parce d'accord. que je me suis pas arrêté à cet album là. J'ai un troisième album qui est quasiment prêt. D'accord. Avec qui autre, lui j'ai travaillé sur un comment? Avec d'autres titres que dans les 25 que tu avais créé. Avec d'autres titres que dans les 25. Ah oui. Oui, j'ai composé cet album. Il y a un petit moment, c'est un album qui sera beaucoup plus léger à écouter. Il n'y a que 45 minutes de son. D'accord. Mais c'est travailler sur une seule piste, un peu à la manière de Pink Floyd sur un album concept qu'ils ont sorti, quoi, par exemple. Ce genre de délire. Donc en fait, c'est voilà, c'est sur une piste que j'ai travaillé 8 titres. Ok. Du début à la fin. Justement, et j'allais te demander, c'est quoi les artistes qui t'inspirent un petit peu dans ta culture musicale? Alors moi, je suis vraiment ouvert à tout ce qui est électro. Moi, quand je pense électro, je pense plus aux Chemical Brothers. D'accord. Ça s'entend peut-être d'ailleurs. Chemical Brothers, Fatboy Slim, j'adore. Tout ce qui est rock, Led Zeppelin, Pink Floyd. J'aime bien le métal aussi. J'adore Igor. Je ouais. sais pas si tu connais. Ah bah mais oui, Igor, il est venu. Ils sont venus il y a pas longtemps dans le secteur, du coup. Ouais, je les ai vus à la Souris Verte à Épinal. Ouais. Donc voilà, j'adore Igor, j'adore sa façon de composer qui est complètement hallucinante. Le mélange des styles. Hein. Donc voilà, Animal Collective, ouais. je sais pas si tu connais aussi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, et Radiohead. Ah, bah j'adore voilà. Radiohead. Très bon. Donc en fait, ça va un petit peu dans tous les sens. Je suis un gros fan de Led Zepp, je suis un gros fan de rock. Péchu, un gros fan de Slipknot, un gros fan de Slayer. Peut-être qu'un jour on trouvera du rock avec ton mélange électro. Oh, il y a un peu de tout. Ça peut être très sympa. Oui. Ça peut être très très sympa. Est-ce qu'on s'écoute encore un titre sorti de ton album ? Bah, je pense que bien sûr, oui. C'est le tout dernier titre de cet album, Snort It. Est-ce qu'il y a un ordre logique dans la façon dont tu positionnes les titres sur l'album ? Oui, bien sûr. Tout est fait pour que ça aille bien l'un avec l'autre. Il n'y a pas un ordre logique dans le sens du titre du morceau. Il y a un sens logique dans la façon dont je... Dans l'émotion que produit un des titres par rapport à l'autre, en fait. D'accord. C'est vraiment ça. Quand tu l'écris, tu sais que celui-là sera en premier, celui-là en deuxième, ou alors tu réécoutes tout? Non, après, c'est une fois que j'ai tout réécouté. Wow. Voilà, une centaine, 200 fois. Dans ma voiture, dans la voiture de mes copains, ce genre de choses, chez moi, au travail, partout, en fait. Partout où je l'écoute, voilà, ça se mixe. Tu fais écouter tes sons avec ceux qui t'entourent, les gens qui t'entourent ? Oui, j'avance beaucoup comme ça. J'ai fait écouter beaucoup de morceaux en cours de fabrication à des amis. J'aime bien avoir le ressenti. Ouais. Ça m'aide vachement pour avancer. Ils en pensent quoi ? Ils te connaissent depuis toujours comme ça ? Oui, j'ai des gros fans parmi mes potes, donc c'est bien. Ça, c'est sympa d'être soutenu. C'est cool. C'est génial. Et j'ai toujours des critiques positives. Voilà. Qui te porte. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, Snort It, il parle de quoi, ce titre ? Snort It, c'est un titre un peu sauvage qui s'arrête pas. Ça parle comment dire. comme si la musique électronique, le rock, c'était une sorte de drogue auditive. Donc, en fait, Snort It, c'est un peu sniff ça, mais sniff... Sniff la musique par les oreilles, en fait. Waouh, voilà. C'est tellement bien ça. Dit. C'est une genre sniff la musique par les oreilles. Alors celle-là, je te jure, je vais la noter, je la reprends. Voilà. Alors on va écouter ça, hein, Snort It, tout de suite, et on se retrouve avec toi juste après. Ne bougez pas. We'll be right back. On a bien sniffé ça par les oreilles, c'est bien passé. Oui, c'est vrai qu'en même temps, t'as bien raison, ça s'armue des choses. Oui, c'est l'idée hein, de ce morceau-là, c'est vraiment à écouter à fond dans sa voiture en conduisant très vite. Alors, conduisez avec modération, restez tous en sécurité, ne vous faites pas de mal. Au pire, en réalité virtuelle, si vous en avez envie. Voilà. Comment tu as fait pour présenter cet album au public ? Sur les réseaux sociaux, ouais. Oui, beaucoup sur Facebook. Facebook, j'y suis pas mal, donc du coup... On te retrouve sous quel nom ? Sur SoundCloud aussi. Mixerbing, toujours partout. Ok, toujours partout. Toujours partout sur Mixerbing, on me retrouve. Eh ben, on notera tout sur ça. Sur YouTube. Hein. Et puis on partagera tout ça. Oui, tu es sur beaucoup de plateformes musicales multiples hein, pour qu'on puisse te trouver partout. Ça se passe comment quand on veut se trouver sur une plateforme d'ailleurs ? Par exemple, on a envie de produire un peu son sur Deezer. Comment ça se passe ? Ah bah, il faut aller sur un site qui vous propulse là-dessus sur ces plateformes. D'accord. En fait c'est un genre de forfait, il vous balance sur 250 plateformes. D'accord. Donc il y a iTunes, il y a Deezer, il y a Spotify, il y a tout ça. Ça t'aide à toucher du public en faisant ça? Oui, sur Deezer, sur Spotify, ça marche très bien. Après, tout ce qui est téléchargement payant, tout ce qui est téléchargement légal, c'est un petit peu compliqué au niveau de la musique, oui. Surtout en France. Donc voilà, après, sur Bandcamp, j'ai fait quelques ventes. C'est quelque chose de complètement gratuit, ça. D'accord. Bandcamp, c'est super intéressant. Et sinon, voilà. Ok. Eh ben, c'est parfait. Si vous avez envie d'écouter notre artiste du jour, Mixerbing, eh ben, vous pourrez le faire sur toutes les plateformes musicales possibles et inimaginables que nous vous citerons en lien avec le podcast d'aujourd'hui. Émission qui sera rediffusée ce soir à minuit, puis qui sera présente sur notre site internet et notre page Facebook pour toutes les infos et puis pour réécouter ces sons, tant que vous en aurez envie. Est-ce qu'il y a des futurs projets à venir? En plus de ce troisième album que tu es en train de composer, est-ce qu'il est déjà en cours de composition ? Est-ce qu'il est terminé ? Donc l'album, les titres sont quasiment terminés. Il faut que j'y retouche encore un petit peu, mais les titres sont tous terminés. Ça s'appelle Drunk Melodies. C'est un concept un petit peu particulier. En fait, chaque début de composition... je les ai composés avec un petit peu d'alcool dans le sang. C'est pas très bien d'en parler, en plus il est midi. Donc, c'est plus le genre de choses que je parle le soir. D'accord. Mais, en général, chaque composition que j'ai trouvée à la base sont nées dans l'ivresse. Et c'est d'accord. Pour ça que voilà, il n'y a que 8 titres. D'accord. Après, j'ai arrêté l'alcool complètement. Donc, c'est voilà. Bien. Le prochain album, ça parlera de ton sevrage. Voilà. Et pourquoi pas ? Un album très calme. Et pourquoi minimaliste. Pas ? Est-ce que tu crées toujours seul ? Oui. Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont parfois participé ? Il y a des gens qui ont participé. Ben, j'ai un copain de Strasbourg qui m'a montré comment fonctionnait le logiciel que j'utilise, c'est Ableton. D'accord. Donc, du coup, chaque fois que j'ai un souci avec lui, avec le logiciel, j'appelle mon pote. Il t'aide. Voilà, est-ce que quelqu'un a déjà mis une patte musicale à un de tes sons ? Pas encore. Est-ce que tu auras envie de faire collaborer sûr. Des gens ? Bien sûr, j'adorerais jouer de la musique, faire des lives de mes morceaux, bien sûr. Comment après, ça demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail. Ah bah oui, comment ça se passerait pour faire des lives de tes morceaux ? Les simplifier, je pense qu'avec certains arrangements, c'est possible, en fait. D'accord. Il faut juste les simplifier un petit chouïa, et puis après, je peux aussi les faire tout seul avec un petit... looper. Ouais. J'ai déjà fait ça. Ça pourrait être intéressant à faire. Après, peut-être repenser certaines compositions, ce serait possible. Après, il faut du temps pour préparer ça. Bah oui. Pas encore, je me suis pas encore attardé là-dessus. Je finis mon troisième album. Et puis, bah oui, t'as bien raison. En tout cas, voilà. T'étais hyper investi dans ta musique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as encore un mot pour nous ? Eh ben non. Je remercie cette radio pour vraiment. L'accueil qui m'a été fait ici. Bah, c'est nous qui te remercions d'être venu par beaucoup. Là. d'avoir participé à la bulle de l'IA. Aujourd'hui, c'était Mixer Bink. Vous le retrouverez eh bien, un petit peu partout, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Facebook, sur iTunes, sur Deezer, Spotify, quoi d'autre encore ? Tellement de choses. SoundCloud, oui, il ne faut pas oublier, très très important. YouTube aussi, si on veut voir certains de tes clips et puis entendre d'autres de tes sons, eh bien, voilà, vous pourrez le faire par là. N'hésitez pas un petit peu eh bien, à écouter ces sons qui font voyager. Hein. Merci beaucoup, Mixer Bink, d'être passé par la bulle. On te remercie encore une fois et puis on te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de choses très belles. Merci à vous. Une bonne route à toi. Tout de suite, on écoute un petit message de Camille pour la maison de l'adresse. Quant à moi, bah, je vous fais des gros gros bisous et puis on se retrouve dès 13h30 oui, dans la minute bonheur et puis dès demain, je vous fais des gros bisous. En attendant, bah, c'est bonheur, rire et joie à tous. Nous allions voir du côté de la maison de la Bresse ce qui se passera ces prochains jours. Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui eh bien, avec Camille de la maison de la Bresse qui est venue eh bien, nous parler d'un futur événement qui a lieu d'ailleurs très très prochainement, hein, jeudi 19 avril à 20h à la maison de la Bresse pour une nouvelle idée qui se nomme dans le salon 2. De quoi ça parle Camille ? Alors dans le salon 2 en fait c'est... quelque part un peu une continuité de nos soirées 20h04 où on rencontre à chaque fois des tas de gens passionnants, oui. Qu'on a que 20 minutes avec eux. Oui. Et là, en fait, l'idée, c'était d'avoir vraiment un temps assez long, une heure et demie à peu de choses près, posé avec un invité. D'accord. Et des interludes musicaux, mais d'avoir un invité qu'on puisse vraiment apprendre à connaître. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un salon pour pouvoir rencontrer la personne, pour être dans un peu dans un esprit cocoon, dans l'intimité. Donc l'idée est née comme ça. Ok, bah c'est vrai que ça, c'est bien sur la continuité du 20h04 parce que le 20h04, ça a déjà une ambiance très très particulière, plutôt innovante, très originale. Et dans le salon 2, bah, c'est vrai que ça fait un petit peu la continuité du truc et ça a l'air plutôt sympa. J'imagine que ça va être décoré avec un beau canapé en cuir. Tout à fait, alors pas un canapé, mais un fauteuil. Ouais. Avec une petite bibliothèque... petites lampes, des on réaménage. Pardon ? On réaménage. On réaménage, oui. On enlève tout ce qu'il y a et on crée une nouvelle ambiance, en fait, pour faire vraiment comme si on rentrait dans un salon et pas à la maison de la Bresse. Alors, qui a eu cette idée d'une entrevue avec des artistes se nommant dans le salon 2 ? Alors, c'est Xavier Battistella, qui est le directeur de l'action culturelle, qui a eu cette idée. Quelle innovation. Voilà. J'ai un peu participé à la création aussi du concept, mis quelques petites touches. D'accord. Mais on va dire celui qui a allumé la mèche, c'était lui. Ouais. Voilà. Il est toujours très original, il a toujours très bonnes idées. En plus, il a une équipe super. Donc voilà, forcément, ça fonctionne bien. Alors, pour mettre à l'honneur un artiste, un invité, là, il y aura les deux. Oui, ça, on va... Ça va dépendre un peu des soirées. D'accord. Là, en fait, comme on est dans une exposition sur la lutherie en ce moment, du coup, on s'est dit, on va inviter un maître luthier renommé, donc qui est Alain Carbonard, qui est maître luthier à Mirecourt, mais qui, avant d'être maître luthier, a été artiste. Ah. Donc, c'est une personnalité assez sympa, qui a une vie bien remplie, donc qui a énormément de choses à dire. Oui. Donc, ça devrait être... très intéressant. Vous allez toujours un petit peu faire comme ça, au sein d'une exposition, inviter une personnalité qui est un petit peu dans le même univers. Alors, on va essayer de pouvoir surfer sur cette vague-là. Après, bon, si les choses ne s'y prêtent pas forcément, on trouvera d'autres moyens de faire des ponts entre nos expositions et les soirées dans le salon. Il y en aura tous les combien de temps ? Ça va revenir régulièrement, une soirée dans le salon 2 ? Il y en a trois prévues là. J'ai pas les dates des prochaines, mais je pense que la prochaine aura lieu après l'été. D'accord. Et après une plus juste avant la période de Noël. Quoi. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est la première fois que vous allez faire ça. Du coup, on se laisse un petit peu le temps de voir aussi ce que ça donne. Voilà, tout à fait. Et puis, on voit si on fait ça un petit peu de manière un peu plus récurrente. Mais à mon avis, il va y avoir du succès et ça va revenir souvent. Alors, une entrevue pleine de surprises aujourd'hui, eh bien, avec un maître luthier de Mirecourt. Depuis 31 ans, alors, Alain Carbonard crée des instruments de musique. Et c'est lui qui va être à l'honneur aujourd'hui. C'est dans son salon que l'on va s'installer. Tout à fait. Donc, il nous parlera de son métier de luthier et puis de ses rencontres, entre autres avec Céline Dion. Ah oui, je ne savais pas qu'elle faisait du violon, mais voilà. Ah ben, on en apprend tous les jours. Avec Mislav Rostropovitch, lui qui est plus un nom de la musique classique du violon. Oui. Il a notamment aussi, à une époque, travaillé avec Hubert Félix Stephen. D'accord, donc, quand même. Quand même, hein, voilà, il était musicien avec Hubert Félix Stephen. Et il a également créé un projet... dans les années 80-90, qui s'appelait Württemberg, et pour lequel il a eu un disque d'or au Japon, quand même un disque d'or. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un personnage qui va vraiment être intéressant et multifacette, en fait, parce d'accord. que d'un côté, voilà, il a ce savoir-faire, il travaille le bois, il fait des instruments, et d'un autre côté, il a été artiste. Oui, il est artisan et artiste en même temps. Voilà. Artiste-artisan. Alors, comment ça se passe, une entrevue dans le salon de Alain Carbonard, cette fois-ci il va s'installer, il va parler un petit peu de lui-même, on va lui poser des questions. Comment voilà, il y aura Xavier Battistella, donc, qui lui posera des questions, qui animera la soirée. Il y aura une partie où on rentrera vraiment dans son intimité, parce qu'il nous présentera son album photo. Donc, il a fait une sélection de photos. Oh, c'est chouette. Donc on découvrira un peu sa famille, sa vie de tous les jours. En ah fait. Oui. Il y aura des moments d'échange avec le public aussi. D'accord. Par le biais de les traditionnelles questions du public, oui. mais aussi par un petit jeu. Il va ramener en fait un objet. D'accord. Ce sera l'objet mystère et en fait le public devra deviner quel est cet objet. Il y aura une petite chronique un peu humoristique, pardon. Et il y aura aussi des interludes musicaux. Oui. Du coup, avec de nouveau Révaz Machiavelli qui était venu au dernier 20h04. Mais oui, Révaz, que l'on salue, très très bon violoncelliste et puis professeur à ses heures perdues. N'est-ce pas ? De bons souvenirs, Lia. Oui, de très bons souvenirs avec Révaz Machiavelli. Je vous encourage vivement à aller découvrir cet artiste également multifacette. Ils vont bien ensemble tous les deux, Alain Carbonard et Monsieur Révaz Machiavelli. Il était déjà venu au 20h04 il y a peu, mm-hmm. et du coup vous aviez envie de lui donner une place encore un petit peu voilà. plus présente cette fois-ci. Tout à fait. Mais on aurait aimé en fait au départ lui consacrer carrément un concert, un ouais. temps, mais c'était pas possible d'organiser ça, pardon. Donc on s'est dit on va l'inviter deux fois oui. au lieu d'une petite fois. Donc et là ça tombait vraiment bien parce que d'autant que Révaz Machiavelli a des instruments qui ont été fabriqués par Alain Carbonard. Ça c'est vraiment. Donc du coup le lien s'est fait naturellement comme ouais, ça. Ouais, donc ouais. donc voilà et lui a souhaité pour cette occasion venir aussi avec Mathilde Garillon qui est une de ses anciennes élèves. D'accord. Et donc ils seront là tous les deux et ils feront trois interventions. Dans pour, la soirée. Pour un duo de violoncelle, j'imagine, magnifique. Alors, Alain Carbonard, il est luthier depuis 31 ans à Mirecourt. Est-ce qu'il va lui aussi amener quelques instruments pour qu'on découvre ce qu'il fait ? Il va amener quelques instruments, oui, pour effectivement montrer son travail. Mais il va également nous jouer du piano, parce que comme... C'était un personnage multifacette, il fabrique des violons, mais il va nous interpréter des morceaux au piano. D'accord. Donc ça va être très sympa, il va nous parler de ses enfants qui également ont repris le flambeau en fait, paternel et se sont mis à fabriquer des instruments. Donc il va également nous parler de ses enfants et wow. nous montrer un peu le fruit du travail de ses deux enfants. C'est sympa parce qu'on plonge vraiment dans l'intimité de la personne. C'est ça. C'est très intimiste. Je pense que c'est l'effet escompté. Ça va être très très sympathique. Alors ça se déroule sur 1h30, tu nous disais à peu près. Oui, à peu près 1h30, oui. Alors qui peut assister à cette interview pleine de surprises qui se nommera dans le salon 2 et cette fois-ci ce sera Alain Carbonard que vous retrouverez. Ça s'adresse à quel public ? J'ai envie de dire un peu à tout le monde. Les enfants, bon bien sûr ça peut-être être un peu long ou oui. pas forcément les intéresser, parce qu'Alain Carbonard n'est pas un nom qui va parler aux enfants et qui va... On a peut-être des passionnés de lutherie. Peut-être des passionnés de lutherie, mais après, bon, c'est vraiment ouvert à tous. Ça va être, je pense, très sympathique, très interactif et... Donc c'était un bon moment, c'est 1h30 qui va passer. J'imagine. Et ensuite, en plus ça commence à 20h, ouais. donc c'est assez tôt, donc ça fait, on n'est pas rentré trop tard. Donc. Voilà, tout est calculé pour que ça plaise. Voilà, on a le temps de manger un petit bout avant, hop, une soirée dans le salon, et puis après... Super. On va s'endormir chez soi dans son canapé. Alors j'imagine comme toutes les actions qui se présentent à la Maison de la Bresse, que l'entrée, enfin comme toutes les actions, peut-être pas toutes, mais en tout cas la plus grande ouais. majorité qui se passe en entrée libre. Tout à fait, entrée gratuite. Il y a, voilà, vous rentrez, vous venez vous installer et puis vous partagez un bon moment avec nous, votre bonne humeur, vos sourires. Et puis... Ben voilà, super. Voilà. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes? Est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? On n'a pas prévu d'inscription. Après, on a une centaine de places assises, donc ce serait vraiment... Le top. Une grande surprise si on remplissait la salle pour la première soirée, mais... Et pourquoi pas? Après, on se serrera, hein, on remettra des coussins par terre s'il faut. Voilà, tout à fait. Alors, c'est donc Monsieur Xavier Battistella qui va un petit peu animer cette soirée et qui va échanger avec cette fois-ci Alain Carbonard qui nous parlera de son métier de luthier, mais pas que. On l'a vu, un homme multifacette qui aura beaucoup, beaucoup de choses à exprimer. En plus, vous aurez la grande chance de pouvoir assister à certains morceaux joués par Monsieur Révaz Machiavelli et donc son ancienne élève Mathilde Garillon. Ça se passe jeudi 19 avril à 20h à la Maison de la Bresse. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, par exemple, si on veut peut-être plus d'informations que ce qu'on a donné là dans cette petite annonce? Ça se passe par exemple sur Facebook. Voilà, sur le Facebook de la Maison de la Bresse, si vous retrouvez des infos. Sur le site internet de la Maison de la Bresse également, il y a des infos. www.maisondelabresse.fr, voilà, pas plus simple. Et sinon, vous pouvez nous contacter soit en mairie, oui. donc je vais donner le numéro, allez, 03 29 25 40 21, et vous demandez Xavier Battistella ou Camille Jean-Georges. Bah voilà. Ou sinon, vous pouvez appeler à la Maison de la Bresse, les après-midi uniquement, parce que le matin, on n'est pas là. D'accord. Donc le matin, on est à la mairie, l'après-midi à la Maison de la Bresse. D'accord, voilà. On se partage. C'est ça. Et donc, la Maison de la Bresse, le numéro, c'est 03 29 62 65 95. Ok, super. Toutes les informations sont notées. Est-ce qu'on te retrouvera au sein de cette soirée, Camille? Oui, je vais faire une petite intervention. C'est pas vrai. Si, si. Tu nous as caché ça. Voilà. J'en ai parlé, mais j'ai pas dit que c'était moi. C'est toi, la petite chronique humoristique? Ce sera moi, voilà. C'est pas vrai. Tu nous as caché tes talents. Mais ouais, on va essayer de faire ça bien. De quoi ça va parler, cette chronique? Tu veux peut-être pas nous dévoiler toutes tes cartes maintenant? Non, je vais... parce que tout n'est pas encore clairement... Au point. Voilà. Donc je vais me créer un petit personnage qui reviendra, en fait, à chaque salon. D'accord. Et qui va essayer un peu de parler de notre invité de façon humoristique. D'accord. Et puis de le titiller un peu. T'as des théans théâtrales Il paraît, Xavier a décelé ça chez moi, il m'a dit que bon... Donc, après, bon, j'aimais bien le théâtre à l'école, mais j'en ai pas pratiqué depuis, donc on verra. Mais je suis sûre que tu seras parfaite et qu'on va bien rire à tout ce que tu vas nous dire. J'aimerais bien voir ça. Je te souhaite de très bonnes choses jusque le moment de se retrouver dans le salon de cette fois Alain Carbonard, ce jeudi 19 avril à la Maison de la Bresse. Une très belle fin de journée à toi, Camille, et à très bientôt. Merci, Lia. Bonne journée à toi aussi. À bientôt.